Chapitre deuxième. Monsieur le comte Robert de X à son ami intime. Voyons, ne dis donc pas de bêtises, mon bonhomme, et pour l'amour de moi, va chez Strickman et dis-lui que sa dernière paire de bottes est trop large d'un doigt. Il commence à m'agacer, mon Strickman. Tu serais gentil de passer chez mon tailleur et de lui dire de presser son monde. Je suis tout nu, mon cher. Ça n'est pas soutenable. Et maintenant à nous deux. Qu'est-ce que tu me chantes? Sympathie morale, alliance de deux destinées, conformité de goût et de milieu, etc. Me prends-tu de bonne foi pour un niais? T'imagines-tu que je considère papa beau-père comme l'auteur de mes jours et que je ne prenne pas ces braves gens pour ce qu'ils valent? Je ne comprends pas ta façon de voir. Est-ce que je vends quoi que ce soit de moi-même? Sac à papier, mon bonhomme, tu me fais monter la moutarde au nez. Je rencontre sur mon chemin une petite fille charmante, elle me plaît. L'idée me vient de la décrasser un peu et d'en faire une comtesse. Est-ce la première fois que cela se voit dans l'histoire? Il se trouve maintenant, étrange coïncidence, que cet enfant aux joues roses, qui a bon air, je te jure, se trouve être à la fois la fille d'un marchand de locomotives et extrêmement riche. Crois-tu bonnement que ces deux obstacles, dont le dernier à vrai dire n'est qu'imaginaire, vont m'arrêter en route? Dans ma famille, mon cher ami, quand on trouve un bâton en travers du chemin, on saute par-dessus. Eh bien, je saute par-dessus le beau-père, par-dessus l'usine, qui répand aux alentours une puante odeur. Je saute par-dessus la belle-maman, qui est née rue du Temple. Je saute par-dessus tout cela, et je tombe aux pieds de la petite bergère. Elle a 1 000 000 dans la main gauche, c'est vrai. Mais est-ce trop pour payer l'odeur du charbon de terre, le papa, la maman, la rue du Temple, le sifflet des machines, etc. Mon coup de tête est peut-être étrange, mais mon nom suffit, ce me semble, à le faire respecter. Songe donc, d'un trait de plume, je fais quelque chose d'une enfant qui n'est rien, et qui a bonne envie de ne pas rester où elle est. J'ai une onde de joie et de reconnaissance à un brave homme et une brave femme qui sont bons comme du pain, bis. Je renverse d'étonnement et d'allégresse tout un régiment de travailleurs, mes fournisseurs, qui attendent depuis trop longtemps, malheureusement, leur salaire. Mon mariage est certain. Tu n'as que faire de tenir la nouvelle secrète. Je veux qu'on se réjouisse autour de moi. Du même trait de plume, je relève fort vieux qu'en a besoin. J'y ajoute une demi-douzaine de clochetons, un fossé, un pont, en un mot, tout ce qui est nécessaire. Je fais étaler un pouce de terre sur tout le domaine, qui, par ce seul fait, se trouve avoir une valeur. Je sème, je plante, je draine, en un mot, je fais du bien autour de moi. Ce sont les propres paroles de Monseigneur lorsqu'il m'a poussé à ce mariage. J'ai le beau rôle, mon cher. J'utilise noblement le gain péniblement gagné de ce marchand de locomotives. Je fais pénétrer dans cette classe industrielle un peu de nos idées. Je la vivifie au souffle de nos traditions et de notre passé. Il faut voir les choses de haut, mon bonhomme. Ma présence seule dans cette maison, que le diable m'emporte, à l'air d'un château, a fait plus de bien à ce naïf enfant que tous les sermons possibles et que l'évidence même. Je l'ai surpris rougissant de son usine et comme gêné de ses millions. Il commence à comprendre qu'au-dessus du travail individuel et du gros bon sens des masses, il y a la hiérarchie inviolable du sang, du nom et de la race. Il aura beau faire, vois-tu bien, il a le pied trop gros pour chausser mes bottes, et pour tout l'or du monde, il ne pourra acheter un autre pied. Tout est là, et il commence à le comprendre. Et d'ailleurs, comme me le faisait entendre Monseigneur, outre le bien général qui peut résulter de cette alliance pour le progrès de nos idées, n'est-il pas temps qu'une sorte de réaction, de réhabilitation se manifeste, que quelques-uns d'entre les jeunes et les braves tournent en dedans le chaton de leur bague, descendent au milieu de la foule et mettent la main à la pâte? Devrait-il ensuite se laver à grande eau? Des apanages, des habits dorés de nos grands-pères ont fait des pièces d'or qui ont roulé partout. C'est avec ces pièces d'or ramassées sous les meubles que les Durand ont commencé leur fortune. Eh bien, mais en fin de compte, j'ai bien droit à quelques locomotives de la maison Durand. Ce n'est que justice, cela. Le travail, vas-tu me dire, car je te connais, comme mon gousset. Le travail? Mais mon cher bon, connais-tu un homme au monde mieux disposé que moi à faire travailler? Presse le carrossier, je veux que la corbeille arrive dans le coupé de madame, volet baissé. Occupe-toi de la cravache et songe à mes bottes, n'est-ce pas? Moins carré, du beau, et puis trop large, trop large. Une poignée de main, à toi, de cœur. Comte Robert de X. P.S. Fatuité à part, elle est folle de moi. Ainsi s'achève, fait l'un pour l'autre, par Gustave Droz.